De Villiers de l'Isle-Adam, extrait du recueil Conte cruel, Duke of Portland. Sur la fin de ces dernières années, à son retour du Levant, Richard, duc de Portland, le jeune lord jadis célèbre dans toute l'Angleterre pour ses fêtes de nuit, ses victorieux pur sang, sa science de boxeur, ses chasses aux renards, ses châteaux, sa fabuleuse fortune, ses aventureux voyages et ses amours, avait disparu brusquement. Une seule fois, un soir, on avait vu son séculaire carrosse doré traverser Stor baissé au triple galop et entouré de cavaliers portant des flambeaux à Hyde Park. Puis, réclusion aussi soudaine qu'étrange, le duc s'était retiré dans son familial manoir. Il s'était fait l'habitant solitaire de ce massif manoir à créneaux construit en de vieux âges au milieu de sombres jardins et de pelouses boisées sur le cap de Portland. Là, pour tout voisinage, un feu rouge qui éclaire à toute heure à travers la brume, les lourds steamers tanguant au large et entrecroisant leurs lignes de fumée sur l'horizon. Une sorte de sentier en pente vers la mer, une sinueuse allée creusée entre des étendues de roches et bordée tout au long de pins sauvages, ouvre, en bas, ses lourdes grilles dorées sur le sable même de la plage, immergée aux heures du reflux. Sous le règne de Henri VI, des légendes se dégagèrent de ce château fort dont l'intérieur, au jour des vitraux, resplendit de richesses féodales. Sur la plateforme qui en relie les sept tours veille encore entre chaque embrasure, ici un groupe d'archers, là quelques cavaliers de pierre, sculptés au temps des croisades dans des attitudes de combat. La nuit, ces statues, dont les figures maintenant effacées par les lourdes pluies d'orage et les frimas de plusieurs centaines d'hivers sont d'expression maintes fois changées par les retouches de la foudre, offrent un aspect vague qui se prête aux plus superstitieuses visions. Et lorsque, soulevés en masse multiforme par une tempête, les flots se ruent dans l'obscurité contre le promontoire de Portland, l'imagination du passant perdu qui se hâte sur les grèves, aidée surtout des flammes versées par la lune à ses ombres granitiques, peut songer, en face de ce castel, à quelque éternel assaut soutenu par une héroïque garnison d'hommes d'armes fantômes contre une légion de mauvais esprits. Que signifiait cet isolement de l'insoucieux seigneur anglais? Subissait-il quelque attaque de spleen? Lui, ce cœur si natalement joyeux, impossible. Quelque mystique influence apportée de son voyage en Orient? Peut-être. L'on s'était inquiété à la cour de cette disparition. Un message de Westminster avait été adressé par la reine au Lord Invisible. Accoudée auprès d'un candélabre, la reine Victoria s'était attardée ce soir-là en audience extraordinaire. À côté d'elle, sur un tabouret d'ivoire, était assise une jeune liseuse, Miss Helena H. Une réponse, scellée de noir, arriva de la part de Lord Portland. L'enfant, ayant ouvert le pli du cal, parcourut de ses yeux bleus, souriante lueur du ciel, le peu de lignes qu'il contenait. Tout à coup, sans une parole, elle le présenta, paupières fermées, à sa majesté. La reine lut donc elle-même en silence. Au premier mot, son visage d'habitude impassible parut s'empreindre d'un grand étonnement triste. Elle tressaillit même. Puis, muette, approcha le papier des bougies allumées, laissant tomber ensuite sur les dalles la lettre qui se consumait. « Milord, » dit-elle à ceux de ses pairs qui se trouvaient présents à quelques pas, « vous ne reverrez plus notre cher duc de Portland. Il ne doit plus siéger au Parlement. Nous l'en dispensons par un privilège nécessaire. Que son secret soit gardé. Ne vous inquiétez plus de sa personne et que nul de ses hôtes ne cherche jamais à lui adresser la parole. » Puis, congédiant d'un geste le vieux courrier du château, « Vous direz au duc de Portland ce que vous venez de voir et d'entendre, » ajouta-t-elle après un coup d'œil sur les cendres noires de la lettre. Sur ces paroles mystérieuses, Sa Majesté s'était levée pour se retirer en ses appartements. Toutefois, à la vue de sa liseuse demeurée immobile et comme endormie, la joue appuyée sur son jeune bras blanc posé sur les moires pourpres de la table, la reine, surprise encore, murmura doucement « On me suit, Helena. » La jeune fille, persistant dans son attitude, en s'empressa auprès d'elle. Sans qu'aucune pâleur eût décelé son émotion, un lys, comment pâlir? Elle s'était évanouie. Une année après les paroles prononcées par Sa Majesté, pendant une orageuse nuit d'automne, les navires de passage à quelques lieues du cap de Portland virent le manoir illuminé. Oh, ce n'était pas la première des fêtes nocturnes offertes à chaque saison par le Lord absent. Et l'on en parlait, car leur sombre excentricité touchait au fantastique, le duc n'y assistant pas. Ce n'était pas dans les appartements du château que ces fêtes étaient données, personne n'y entrait plus. Lord Richard, qui habitait solitairement le donjon même, paraissait les avoir oubliés. Dès son retour, il avait fait recouvrir par d'immenses glaces de Venise les murailles et les voûtes des vastes souterrains de cette demeure. Le sol en était maintenant dallé de marbres et d'éclatantes mosaïques. Des tentures de hautes lisses, entr'ouvertes sur des torsades, séparaient, seules, une enfilade de salles merveilleuses où, sous d'étincelants balustres d'or tout en lumière, apparaissait une installation de meubles orientaux brodés d'arabesques précieuses au milieu de floraisons tropicales, de jets d'eau, de senteurs en des vasques de porphyre et de belles statues. Là, sur une amicale invitation du châtelain de Portland, au regret d'être absent toujours, se rassemblait une foule brillante, toute l'élite de la jeune aristocratie de l'Angleterre, des plus séduisantes artistes ou des plus belles insoucieuses de la gentry. Lord Richard était représenté par l'un de ses amis d'autrefois et il se commençait alors une nuit princièrement libre. Seul à la place d'honneur du festin, le fauteuil du jeune lord restait vide et l'écusson ducal qui en surmontait le dossier demeurait toujours voilé d'un long crêpe de deuil. Les regards, bientôt enjoués par l'ivresse ou le plaisir, s'en détournaient volontiers vers des présences plus charmantes. Ainsi, à minuit, s'étouffait sous terre à Portland, dans les voluptueuses salles, au milieu des capiteux arômes des exotiques fleurs, les éclats de rire, les baisers, le bruit des coupes, des chants enivrés et des musiques. Mais si l'un des convives, à cette heure-là, se fut levé de table et, pour respirer l'air de la mer, se fut aventuré au dehors, dans l'obscurité, sur les grèves, à travers les rafales des désolés vents du large, il eût aperçu, peut-être, un spectacle capable de troubler sa bonne humeur, au moins pour le reste de la nuit. Souvent, en effet, vers cette heure-là même, dans les détours de l'allée qui descendait vers l'océan, un gentleman, enveloppé d'un manteau, le visage recouvert d'un masque d'étoffe noire auquel était adaptée une capuce circulaire qui cachait toute la tête, s'acheminait, la lueur d'un cigare à la main, longuement ganté, vers la plage. Comme par une fantasmagorie d'un goût suranné, deux serviteurs aux cheveux blancs le précédaient, deux autres le suivaient à quelques pas, élevant de fumeuses torches rouges. Au-devant d'eux marchait un enfant, aussi enlivré de deuil, et ce page agitait, une fois par minute, le court battement d'une cloche pour avertir au loin que l'on s'écarta sur le passage du promeneur. Et l'aspect de cette petite troupe laissait une impression aussi glaçante que le cortège d'un condamné. Devant cet homme s'ouvrait la grille du rivage. L'escorte le laissait seul et il s'avançait alors au bord des flots. Là, comme perdu en un pensif désespoir et s'enivrant de la désolation de l'espace, il demeurait taciturne, pareil au spectre de pierre de la plateforme, sous le vent, la pluie et les éclairs devant le mugissement de l'océan. Après une heure de cette songerie, le morne personnage, toujours accompagné des lumières et précédé du glas de la cloche, reprenait, vers le donjon le sentier d'où il était descendu. Et souvent, chancelant en chemin, il s'accrochait aux aspérités des roches. Le matin qui avait précédé cette fête d'automne, la jeune lectrice de la reine, toujours en grand deuil depuis le premier message, était en prière dans l'oratoire de Sa Majesté lorsqu'un billet écrit par l'un des secrétaires du duc lui fut remis. Il ne contenait que ces deux mots qu'elle lut avec un frémissement. « Ce soir. » C'est pourquoi, vers minuit, l'une des embarcations royales avait touché à Portland. Une juvénile forme féminine en mante sombre en était descendue seule. La vision, après s'être orientée sur la plage crépusculaire, s'était hâtée en courant vers les torches du côté du tintement apporté par le vent. Sur le sable, accoudée à une pierre et de temps à autre agité d'un tressau mortel, l'homme au masque mystérieux était étendu dans son manteau. « Oh malheureux !» s'écria dans un sanglot et en se cachant la face la jeune apparition lorsqu'elle arriva tête nue à côté de lui. « Adieu !»« Adieu !» répondit-il. Des chants et des rires venus des souterrains de la féodale demeure dont l'illumination ondulait, reflétée sur les flots. « Tu es libre !» ajouta-t-il en laissant retomber sa tête sur la pierre. « Tu es délivré !» répondit la blanche advenue en élevant une petite croix d'or vers les cieux remplis d'étoiles devant le regard de celui qui ne parlait plus. Après un grand silence, et comme elle demeurait ainsi devant lui, les yeux fermés et immobiles en cette attitude, « Au revoir, Elena !» murmura celui-ci dans un profond soupir. Lorsqu'après une heure d'attente, les serviteurs se rapprochèrent, ils aperçurent la jeune fille à genoux sur le sable et priant auprès de leur maître. « Le duc de Portland est mort, » dit-elle. Et s'appuyant à l'épaule de l'un de ses vieillards, elle regarda l'embarcation qu'il avait amenée. 3 jours après, on pouvait lire cette nouvelle dans le journal de la cour. Miss Elena Hash, la fiancée du duc de Portland, convertie à la religion orthodoxe, a pris hier le voile aux Carmélites de L. Quel était donc le secret dont le puissant Lord venait de mourir? Un jour, dans ses lointains voyages en Orient, s'étant éloigné de sa caravane aux environs d'Antioche, le jeune duc, en causant avec les guides du pays, entendit parler d'un mendiant dont on s'écartait avec horreur et qui vivait seul au milieu des ruines. L'idée le prit de visiter cet homme, car nul n'échappe à son destin. Or, ce Lazare funèbre était ici-bas le dernier dépositaire de la grande lèpre antique, de la lèpre sèche et sans remède, du mal inexorable dont un dieu seul pouvait ressusciter jadis les Jobs de la légende. Seul, donc, Portland, malgré les prières de ses guides éperdus, osa braver la contagion dans l'espèce de caverne où râlait ce paria de l'humanité. La même, par une forfanterie de grand gentilhomme intrépide jusqu'à la folie, en donnant une poignée de pièces d'or à cet agonisant misérable, le pâle seigneur avait tenu à lui serrer la main. À l'instant même, un nuage était passé sur ses yeux. Le soir, se sentant perdu, il avait quitté la ville et l'intérieur des terres et, dès les premières atteintes, avait regagné la mer pour venir tenter une guérison dans son manoir, ou y mourir. Mais devant les ravages ardents qui se déclarèrent durant la traversée, le duc vit bien qu'il ne pouvait conserver d'autre espoir qu'en une prompte mort. C'en était fait. Adieu, jeunesse, éclat du vieux nom, fiancée aimante, postérité de la race. Adieu, force, joie, fortune incalculable, beauté, avenir. Toute espérance s'était engouffrée dans le creux de la poignée de main terrible. Le Lord avait hérité du mendiant. Une seconde de bravade, un mouvement trop noble plutôt, avait emporté cette existence lumineuse dans le secret d'une mort désespérée. Ainsi périt le duc Richard de Portland, le dernier lépreux du monde.